Bonjour à tous les béliers, les ascendants béliers, je suis heureuse de vous retrouver pour voir un petit peu ce que va nous dire l'oracle de Béline concernant vos amours en octobre 2023. Alors, on va regarder cela ensemble, je m'adresse aux béliers, ascendants béliers, célibataires ou en couple, on va un petit peu dissocier les deux, on va regarder. Donc, je prends très rapidement 5 cartes. Quel est le message de l'oracle de Béline pour vous ? Pour le mois d'octobre 2023, pour vos amours. On va rester concentré sur les amours ce mois-ci. Voilà, voilà. Ben, en fait, tout simplement, bon, je ne vais pas trop vous rassurer. Je vais peut-être en retirer une quand même. D'accord. Et peut-être une deuxième. Bon, ok. Apparemment, alors, je vais m'adresser d'abord aux couples qui ont des difficultés. Ici, c'est vrai que, vous voyez, en amour, il y a des risques de... apparemment, il y a des risques de trahison ou en tout cas de grosses jalousies qui traînent dans votre couple, mais qui devraient s'arranger, puisque ces deux cartes-ci indiquent que une situation à la suite de conversations vont s'arranger par rapport aux ennemis du couple, par rapport à un rival, à une rivale. Et vous allez donc connaître, elle était là d'abord, c'était comme ça, vous allez donc connaître un nouvel élan dans votre couple et de nouvelles initiatives. Donc pour les couples pour qui ça n'allait pas, ne perdez pas espoir, relancez la discussion et vous allez normalement triompher des ennemis du couple. Pour les couples pour qui tout allait bien, eh bien c'est vrai qu'il peut y avoir en mois d'octobre une petite séance, comment appeler ça, un moment délicat en tout cas concernant la possessivité de l'un de vous, peut-être des doutes sur la fidélité de l'un ou de l'autre, mais encore une fois, n'hésitez pas à en parler, ne boudez pas dans votre coin et ne restez pas à ne rien dire, discutez de manière constructive et les choses vont repartir de plus belle. Et enfin, pour les célibataires, eh bien, c'est le moment pour vous de mettre de côté, d'être clair, peut-être que par rapport, alors s'il n'y a rien face à vous, je dirais, il y a une personne à qui vous pensez que vous devez mettre de côté parce qu'elle n'est pas bonne pour votre épanouissement, et sachez que, et s'il n'y a rien, bien ce sont vos ennemis intérieurs qui parlent là, qui vous bloquent, mais sachez que par rapport à cela, vous allez continuer de sortir, de discuter, de voir du monde, de voir des amis, parce que vous allez vers un nouveau départ affectif de toute façon. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon mois d'octobre.